Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1991. La chorégraphie est partout. La culture du clip règne en maîtresse sur les écrans. Ce que l'on désigne sous le nom de danse moderne semble s'installer comme discipline populaire et la pratique de la danse elle-même se démocratise. Le chic, le chiche, le sexy, c'est lui des hâtes. Et de la main. Et stop! What are you looking at? Mais en pleine explosion de la dance, ce qui bouscule le milieu de la danse, semble-t-il, c'est ce projet radical sur les variations de Goldberg de Jean-Sébastien Bach. On le doit à une légende, Steve Paxton, ancien interprète d'une autre légende, Merce Cunningham, est connu pour avoir révolutionné la danse dans les années 60 au sein d'un phalanstère créatif, Judson Dance Theatre. Judson is open arms, Judson is big mama, Judson is... Come in, whatever you need, we're gonna try to give it to you. Walking, running, stooping, standing, touching, screaming. Steve Paxton s'est lancé dans un projet d'improvisation et de la vie de ceux qui l'ont vu, comme la critique de danse new-yorkaise Deborah Jovitt, c'est une des expériences les plus mystérieuses et profondes qu'on ait jamais vécues au théâtre. Steve Paxton est comparé tour à tour à un fauve, un félin, un serpent. Ce que l'on sait, c'est que ce projet lui est venu il y a 5 ans, suite à la deuxième version des variations de Goldberg, enregistrée par le génie pianistique Glenn Gould. Mr. Gould, to the piano, please. Paxton s'est inspiré des différences d'interprétation qui se sont glissées entre la première version de 1955 et la seconde de 1981. Naturellement, en tant que danseur, j'écoute avec l'ensemble de mon corps plutôt que simplement avec mes oreilles, en laissant mon pied rythmer la musique. Bach est connu pour avoir été un improvisateur brillant, mais nous a laissé que ses partitions. Même si, par ailleurs, il y a de la place pour l'interprétation, pour l'adaptation, pour les variations. En se retirant dans son studio, Glenn Gould nous a emmenés encore plus loin, aux sources vivantes de la musique, du mouvement, du corps et de l'esprit. Pour ceux qui n'ont pas pu le voir, Steve Paxton a décidé d'immortaliser son processus avec le vidéaste belge Walter Verdun. Le film vient de sortir et capture 10 jours de mouvement improvisé dans un bâtiment néoclassique d'Amsterdam. Sur 13 heures de rush, reste 54 minutes où Paxton est peut-être à nouveau en train de révolutionner la danse. Le danseur et chorégraphe Boris Charmatz m'accompagne dans ce visionnage. Il travaille les variations Goldberg pendant très longtemps, tout seul, c'est vraiment un travail introspectif. Et le film, ce qui est beau, c'est qu'on sait aussi qu'on n'a accès qu'à une partie de l'œuvre, parce que l'œuvre, c'est de se remettre à l'ouvrage avec les variations Goldberg. Donc on voit un film, on voit un spectacle, un projet, mais on voit toute une carrière, je dirais, c'est-à-dire tout un travail qui se fait depuis sa formation de gymnaste, ses années chez Merce Cunningham, dans la Merce Cunningham Dance Company, les travaux en collectif avec le Johnson Dance Theater. Et ce qui est très fort dans les variations Goldberg, c'est qu'il nous donne accès à ça très simplement, en fait. On le voit lui sur scène, et c'est comme un résumé de toute sa recherche, en fait. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, presque 30 ans plus tard, c'est que Paxton invente le troisième maillon d'un chef-d'œuvre qui traverse les siècles. Il y a Bach au 17e, il y a Glenn Gould au 20e, et à la veille du 21e siècle, il y a Paxton. Aussi, le film de ses improvisations sur les variations de Goldberg entre comme instantanément au musée de la danse. Pourtant, Paxton a toujours lutté contre cette notion de chef-d'œuvre. Voilà qu'il en aurait produit un. Ce qui est bien dans ce film, c'est que c'est à la fois un produit et en même temps, on est face quand même plutôt à l'atelier. au processus de travail, et qui là, en l'occurrence, avec Steve Paxton, a duré jusqu'à aujourd'hui, donc c'est toute une vie. Là, et là, on en voit un petit bout, mais c'est très ouvert parce que ça ne s'arrête pas au produit fini qu'on a sous les yeux. Une œuvre ouverte. Ce serait donc cela, la deuxième révolution de Steve Paxton. Après le contact improvisation, cette danse qui s'écrit dans l'échange de poids entre les corps. Si Steve Paxton et ses comparses avaient libéré la danse de tout formalisme préétabli dans les années 60, ces variations de Goldberg ont libéré le public de la façon, elle aussi codifiée, dont il regardait la danse. Le spectacle devient un anti-spectacle. D'ailleurs, Glenn Gould lui-même a lancé au même moment le PGAAMTE, le plan Gould pour l'abolition des applaudissements et des manifestations de toute espèce. Il a une manière d'inclure le public parce que son regard n'est pas un regard de danseur qui se projette sur la scène de l'Opéra de Bastille pour un public qu'on ne voit pas vraiment. C'est quelque chose de très concret en fait. Quand il nous regarde, il nous voit, on le voit, et il y a des échanges c'est très empathique en fait, le type de travail qu'il fait. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'on apprend à danser en le regardant danser. C'est peut-être ça qui se passe avec les variations Goldberg et ce film de Walter Vernon. Il y a beaucoup de danseurs qui ont vu ça et qui ont fait des versions à eux, d'après Paxton. Parce que ça, quand on le voit, on peut apprendre quelque chose. C'est aussi parce que physiquement, il laisse de la place au regard, en fait. C'est pas quelque chose de blindé, c'est pas le super danseur de fort qui tape et qui nous impressionne. Il nous laisse rentrer, en fait, et imaginer comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est là où c'est très empathique, en fait. Tout d'un coup, je dis pas qu'on peut bouger comme lui, mais on a la sensation de ce qui le fait bouger, de comment il se débrouille, qu'est-ce qui le motive. Il n'a pas besoin de nous le dire après sa danse. Non, moi j'ai travaillé comme ça. Mais en fait, c'est en le regardant danser, on comprend des choses parce qu'il nous laisse de la place, en fait. Il n'est pas en train de faire une démonstration incroyable. Les moments de doute, ils sont là. Les moments fragiles, ils sont là aussi. Donc ça nous permet, nous, de rentrer facilement dans sa danse, parce que des moments maladroits, on en a tous. Des moments fragiles, on en a tous. Des peurs, on en a tous. Elles sont dans sa danse. C'est très horizontal, en fait. Il ne nous domine pas, même si c'est un virtuose, pour moi. Mais il ne nous domine pas de sa virtuosité, au contraire. Donc il nous permet de participer à son solo. Le solo improvisé de Paxton aura fait de l'artiste un partenaire de jeu plutôt qu'une inaccessible étoile. Le danseur devient celui qui stimule la création chez ceux qui le regardent au lieu de l'exposer. C'est un contaminateur, un tuto, avant l'heure. Premier move, tu vois ton bras, tu le mets à l'opposé et tu y vas. Et en même temps que tu mets ton bras, il y a ta jambe qui se décale. Hop, tu y vas. Hop, tu y vas.